Le 8 août, le porte-parole du Comité coréen pour la paix en Asie-Pacifique a publié une déclaration qui note, entre autres. Juste après l'adoption de la résolution de sanctions contre la Corée numéro 2371 au Conseil de sécurité de l'ONU, le président américain Trump s'est montré impudent comme s'il a accompli un travail important en disant que la résolution produira un très grand choc économique et qu'il témoigne de la gratitude à la Chine et à la Russie pour leur coopération à l'adoption de la résolution. Et ses subalternes comme l'ambassadeur américain à l'ONU prétendent à qui mieux mieux que le pouvoir de la Corée du Nord payera son développement continu du nucléaire et des missiles. Le premier ministre japonais Abe aussi s'est présenté rapidement pour prétendre qu'il apprécie haut la dernière résolution de sanctions et que cette résolution serait l'expression claire de la volonté de la communauté internationale d'élever à une nouvelle étape la pression contre la Corée. Quant aux soi-disant grands pays qui, effrayés de la menace de sanctions américaines, ont levé la main pour l'adoption de la résolution, ils ont dit, pour se défendre, que la sanction est nécessaire, mais l'objectif final est la solution du problème par les négociations. La dernière résolution de sanctions fabriquée par les États-Unis et leurs suivistes est le produit de la terreur et de l'anxiété des Américains, effrayés de la vigueur de notre République, occupant la position stratégique de la puissance nucléaire Tchutse, puissance militaire d'ordre mondial, et la démarche désespérée des forces hostiles masquées au nom de la communauté internationale. C'est aussi la trace honteuse marquée dans l'histoire de l'ONU par la faiblesse et l'obséquiosité des badauds qui ont levé la main, apeurés par les États-Unis, vieux loups édentés, bien qu'ils sachent très bien l'injustice. Nous étiquetons la dernière résolution de sanctions inventée par les impérialistes américains en complicité avec leurs suivistes comme un cruel crime terroriste ultra-géant contre notre République prestigieuse et la rejetons catégoriquement. Dans le contexte où les actes banditistes atteignent leur paroxysme pour supprimer notre souveraineté et notre droit à l'existence et au développement, l'action de justice réelle de notre armée et de notre peuple sera livrée pour les défendre. À cette occasion, nous faisons appel à la conscience du monde pour que tous les pays et tous les peuples s'engagent pour déjouer le diktat et la tyrannie des États-Unis et de leurs suivistes qui ont usurpé le nom de l'ONU et pour établir un nouvel ordre mondial juste et stable. Les pays qui ont abandonné leur foi, leur conscience et leur obligation et approuvé la résolution illégale et injuste sous la baguette des États-Unis pour jouir des compliments de Trump et plaire leurs suzerains doivent ressentir de la honte devant la conscience du monde, réfléchir sérieusement à leurs crimes et en faire des comptes requis au nom de l'histoire et de l'humanité. À ce moment où les États-Unis et autres forces hostiles se démènent frénétiquement pour supprimer notre République, nous éprouvons de tout cœur la justesse du renforcement des forces nucléaires que nous avons choisies et déclarons de nouveau dans le monde entier notre ferme volonté de nous élancer tout droit en avant sans le moindre arrêt ni la moindre déviation pour développer parallèlement l'économie nationale et les forces nucléaires. L'armée et le peuple coréen faucheront résolument avec la force de justice la résolution de sanctions injustes et illégales élaborées par les États-Unis.